Et pour terminer ce bref aperçu du poète symboliste Albert Samin, voici « Mon enfance captive », tiré du recueil intitulé « Le chariot d'or ».